Chapitre 13. Quand Charity entra dans la grande salle de l'hôtel de ville, qu'emplissait une foule compacte, la chaleur était étouffante. Elle se trouvait être la troisième dans la théorie blanche des jeunes filles que conduisait Orma Fry. Elle n'eut d'abord qu'une vision confuse de colonnes enguirlandées à l'avant-scène, et de visages inconnus qui se retournaient pour voir passer le défilé venant du fond de la salle. Puis elle se trouva debout sur la scène, tenant son gros bouquet de reines marguerites et de gerbes d'or bien droit devant elle et attentive au signal qu'allait donner Lambertsolas, l'organiste de l'église de Mr. Miles, venu tout exprès de Hepburn pour tenir l'harmonium. Celui-ci, gravement installé devant son instrument, promenait déjà son regard de chef sur les seins agités des jeunes filles rangées sur l'estrade. Mr. Miles, toute rose d'émotion, apparut tout à coup comme un grand oiseau blanc dans son surplus ailé. Dominant les fronts inclinés des spectateurs du premier rang, il fit, d'un ton énergique, une courte prière. Puis il se retira. À ce moment, Lambertsolas fit signe aux choristes d'entonner sans retard le « Home Sweet Home ». Pour Charity, ce fut une joie de chanter. Il lui sembla que son ivresse secrète pouvait enfin s'épancher au dehors et jeter comme un défi à la face de tous. La flamme qui courait dans ses veines, la brûlante haleine de l'été, le murmure de la forêt, le frais appel des oiseaux au lever du soleil, la languissante chaleur de midi, il lui semblait qu'il y avait de tout cela dans le chant traduit par sa voix inhabile, que soutenait et guidait le cœur de ses compagnes. Quand le chant cessa, il y eut un moment d'arrêt pendant lequel les grands gris-perles de Miss Hatchard esquissèrent un appel furtif vers le fond de la salle. Mr. Royal, à son tour, se leva alors, gravit les marches de la scène et apparut derrière le pupitre enguirlandé de fleurs. Comme il passait tout près de Charity, elle vit que son visage, devenu très grave, avait cet air majestueux qui l'avait terrifié et fasciné dans son enfance. La redingote noire de l'avocat avait été soigneusement brossée et repassée, et son étroite cravate noire était si bien nouée, les deux bouts en étaient si exactement de la même longueur, qu'il était évident qu'il avait consacré beaucoup de temps à sa toilette. Son aspect frappa d'autant plus Charity que c'était la première fois, depuis la soirée de Nettleton, qu'elle le voyait aussi bien en face. Rien dans son attitude digne et grave ne rappelait le vieil arrivé grossier qui l'avait invectivé sur le quai. Appuyé sur le pupitre, légèrement penché en avant, prenant visiblement son temps, il dévisagea lentement ses auditeurs et enfin se redressa pour parler. Tout d'abord, Charity ne prêta aucune attention à ce qu'il disait. Des lambeaux de phrases, des citations sonores, des allusions aux hommes illustres, y compris le couplet de rigueur à la mémoire de Honorius Hatchard, effleurait à peine ses oreilles distraites. Ce qui la préoccupait, c'était de découvrir Harney parmi les notables au premier rang des fauteuils. Miss Hatchard, coiffée d'un chapeau gris-perle assorti à ses gants, y trônait entre Mrs. Miles et une dame inconnue à l'air important. Mais Harney n'était pas auprès d'elle. Charity se trouvait à l'un des côtés de la scène. De sa place, elle ne pouvait voir l'autre extrémité du premier rang de fauteuils à cause du massif de verdure qui dissimulait l'harmonium. L'effort qu'elle faisait pour apercevoir Harney au-delà du feuillage ou à travers les branches entrelacées la rendait inattentive à toute autre chose. Mais elle le chercha vainement et peu à peu, son attention fut prise par le discours de son tuteur. C'était la première fois qu'elle l'entendait parler en public. Mais elle connaissait l'ample sonorité de son organe alors qu'il disait à voix haute ou discourait devant ses concitoyens dans la boutique de Carrick Fry. Aujourd'hui, sa diction était plus riche et plus grave. Il parlait lentement, avec des pauses qui semblaient inviter ses auditeurs à s'unir à sa propre pensée. Et Charity s'aperçut que beaucoup de visages s'éclairaient sous l'influence d'une attention sympathique. Elle devina qu'il touchait à la fin de son discours. Il disait « La plupart de ceux qui sont venus ici aujourd'hui reprendre contact pour une heure avec leur village natal, n'ont voulu faire qu'un pieux pèlerinage, et vont repartir vers les grandes villes où les attend une existence faite de devoirs plus importants. Pourtant, ce n'est pas là l'unique façon de revenir à North Dormer. Quelques-uns parmi nous, partis comme vous, messieurs, dans notre jeunesse, vers une vie plus active et des conceptions plus larges, sont revenus d'une autre façon à North Dormer. Ils y sont revenus pour y demeurer. Je suis un de ceux-là, vous le savez tous. » Il s'arrêta. Toute la salle l'écoutait dans un parfait silence. Il continua. Mon histoire est sans intérêt, mais elle comporte une leçon, non pas tant pour ceux d'entre vous qui ont fixé ailleurs leur existence, que pour les jeunes gens qui, peut-être en ces moments, caresse le projet de quitter ces montagnes paisibles pour aller se jeter dans la lutte. Des événements qu'ils ne peuvent prévoir feront peut-être que quelques-uns d'entre eux reviendront un jour vers le foyer de leur enfance, qu'ils reviendront comme moi pour n'en plus repartir. » Il promena ses regards autour de lui et répéta d'une voix grave « Northdormer est un pauvre petit coin perdu dans l'immense décor qui l'entoure. Peut-être aurait-il pu devenir plus important et plus en rapport avec son ambiance, si ceux qui devaient y revenir l'avaient fait avec la pensée de consacrer à leur pays tout ce que leur expérience leur avait appris ailleurs. Messieurs, regardons les choses telles qu'elles sont. Certains, parmi nous, sont revenus à leur village parce qu'ils n'ont pas réussi ailleurs. D'une façon ou d'une autre, les choses ont mal tourné. Leurs rêves les ont déçus. Mais le fait d'avoir échoué au loin ne nous condamne pas fatalement à ne pas réussir chez nous. Les expériences que nous avons faites sur un terrain plus vaste, même infructueuse, doivent nous aider à faire de Northdormer un endroit plus important. Et vous, jeunes gens, qui vous préparez sans doute en ce moment à suivre l'appel de l'ambition, à tourner le dos au vieux foyer, eh bien, laissez-moi vous dire que si jamais vous revenez vers eux, il sera digne de vous d'y revenir cette fois pour faire le bien. Pour cela, il vous faut leur garder votre amour à ces vieux foyers quand vous serez loin d'eux. Et si même votre retour a lieu contre votre gré, alors même que vous croiriez à une douloureuse erreur du destin, vous devrez essayer d'en tirer le meilleur parti possible et travailler à l'amélioration de notre vieux village. Mesdames et messieurs, je vous donne ma recette pour ce qu'elle vaut. Après un certain temps, je crois que vous serez en mesure de dire, comme je puis le dire aujourd'hui, je suis heureux de vivre ici. Croyez-moi, vous tous qui m'écoutez, la meilleure façon de faire du bien là où l'on vit, c'est d'y vivre en disant bien haut que l'on y est heureux. » Il s'arrêta. Un murmure d'émotion et de surprise courut dans l'assistance. Ce n'était pas du tout ce qu'attendaient les auditeurs. Ils n'en étaient que plus émus. « Très bien, très bien !» cria quelqu'un au milieu de la salle. Il y eut alors une explosion soudaine de vivat, et quand le bruit se fut un peu apaisé, Charity entendit Mr. Miles dire à son voisin en essuyant ses lunettes « Voilà qui est parlé en homme !» Mr. Royal, descendu de la scène, prenait place sur une des chaises devant l'harmonium. Un monsieur bien mis, aux cheveux blancs, au teint fleuri, un parent éloigné des Hatchard, lui succéda derrière le pupitre. Il se mit à dire des choses éloquentes au sujet de la vie au village. Des vieilles mamans qui attendaient patiemment le retour de leur fils et des bois où les enfants du village allaient faire la cueillette des noisettes. Et Charity de nouveau se mit à chercher harnais. Tout à coup, Mr. Royal repoussa sa chaise et une des branches d'érable qui se trouvait devant l'harmonium tomba. Cette chute fit une éclaircie qui laissa voir l'extrémité du premier rang de fauteuil, et Charity aperçut enfin harnais. Il était assis à côté d'une jeune fille dont le visage était tourné vers lui et caché par les grands bords de son chapeau. Mais Charity n'avait pas besoin de la voir en face. Elle reconnut d'un seul coup d'œil la jolie nuque, les cheveux blonds savamment tordus sous le chapeau, les gants très longs, cerclés de bracelets de Miss Balch. Au bruit que fit la chute de la branche, Miss Balch tourna la tête vers la scène, et le joli sourire de ses lèvres minces sembla comme le reflet ravi de ce que son voisin venait de lui chuchoter. Quelqu'un s'avança pour redresser la branche, et Miss Balch et Harney furent de nouveau cachés. Mais pour Charity, la vision de ces deux figures souriantes avait effacé tout le reste. Elle lui avait révélé, dans un éclair, la réalité de la situation. Tout ce monde inconnu, voilé pour elle par les caresses de son amant, lui apparut soudain. Tout le mystère impénétrable de sa vie, ses rapports mondains, ses relations avec d'autres femmes, ses opinions, ses préjugés, ses principes, tout ce réseau d'influence, d'intérêts et d'ambitions où la vie de chaque homme est engagée. De tout cela, elle ne connaissait rien sinon ce qu'elle avait pu lui dire de ses projets d'architecte. Elle avait toujours deviné qu'il devait être en rapport avec des gens d'une situation élevée, qu'il était pris par des relations multiples et compliquées, mais elle sentait tout cela si loin de sa compréhension que le mystère de cette vie inconnue se perdait comme une brume lumineuse à l'horizon de sa pensée. Au premier plan, cachant toute autre chose, il y avait l'éclat de la présence de Harney, son sourire et la tristesse voilée sur son visage, la façon dont ses yeux de myope s'agrandissaient et s'approfondissaient, comme pour l'attirer tout en lui, et par-dessus tout, cette jeunesse et cet amour dont ses paroles l'enivraient. Maintenant, tout à coup, elle le vit déjà détaché d'elle, repris par l'inconnu, murmurant à une autre des choses qui provoquaient ce même sourire que si souvent il avait fait fleurir sur ses lèvres. Le sentiment qui s'emparait d'elle n'était pas la jalousie. Elle était trop sûre de son amour. C'était plutôt une terreur de l'inconnu, de toutes les attractions mystérieuses qui devaient déjà entraîner son amant loin d'elle et de son impuissance à lutter contre ses influences. Elle lui avait donné tout ce qu'elle avait, mais qu'était-ce comparé aux autres dons que lui réservait la vie? Elle comprenait maintenant le cas de ces jeunes filles du pays qui avaient connu la même aventure. Elles avaient aussi donné tout ce qu'elles avaient, et cela n'avait pas suffi. Et cela n'avait servi qu'à acheter quelques fugitifs instants de bonheur. La chaleur était devenue suffocante. Elle la sentait tomber sur elle comme une vague de plus en plus lourde. Dans la salle, pleine à craquer, les visages autour d'elle se mirent à danser comme jadis les tableaux sur l'écran du cinéma de Nettleton. Un instant, Mr. Royal se détacha sur le fond embrouillé du tableau mouvant. Il avait repris sa place devant l'harmonium et était assis non loin d'elle, les yeux fixés sur son visage. Son regard semblait toucher au centre même des sensations confuses de Charity. Subitement, elle se sentit assaillie par un sentiment de malaise physique, suivi d'une appréhension mortelle. Tout l'éclat des heures brûlantes passées dans la petite maison grise parut monter autour d'elle dans une grande flambée d'incendie. Elle se raidit et détourna les yeux de son tuteur. Le discours du cousin Hatchard venait de finir, et Mr. Miles agitait de nouveau ses grandes ailes blanches. Des fragments de sa péroraison flottèrent à travers les pensées confuses de Charity. Il parlait d'une riche moisson de souvenirs, d'une heure sanctifiée vers laquelle, dans les moments de lutte, reviendraient les pensées des fils de North Dormer. « Et maintenant, Seigneur, acheva-t-il, nous te rendons d'humbles et ferventes actions de grâce pour cet heureux jour de réunion, en ce cher village où nous sommes revenus de si loin. Garde-le-nous intact, notre village, Seigneur, dans toute son humble beauté, dans toute sa douceur familiale, dans la bonté et la sagesse de ses vieillards, dans le courage et le persévérant travail de ces jeunes gens, dans la piété et la pureté de ces dessins de jeunes filles innocentes. » Il agita ses ailes blanches vers les chanteuses, et au même moment, Lambert Solas, d'un air résolu, attaqua les premières mesures du Auld Lang Syne. Charity s'est élevée et regardait fixement devant elle. Tout à coup, laissant tomber ses fleurs, elle s'abattit comme une masse aux pieds de Mr. Royal.